Les odeurs de Paris, assainissement de la Seine, par Francisque Sarcey, Paris 1882, lu par Charlotte pour audiocité.net sous licence creativecommons.org. Préface. Ces articles ont été écrits pour le 19e siècle. L'administration a pensé qu'il serait utile de les réunir en brochure. Je crois, en effet, qu'ils pourront aider à vaincre des préjugés aussi tenaces que ridicules. J'en ai donc autorisé la reproduction. Je leur ai laissé leur forme première, sans n'y rien changer qu'un petit nombre de mots par-ci par-là. Je serais vraiment bien aise si, parmi ceux qui liront ces pages, quelques-uns se sentent pris du désir de rendre visite aux cultures maraîchères de Gennevilliers et s'en reviennent en disant « J'ai voulu voir, j'ai vu ». Quand vous aurez vu, le préjugé tombera, soyez-en sûrs. Voilà que l'on recommence à se plaindre des odeurs de Paris. Je sais bien que, pour notre part, dans le 9e arrondissement, nous avons eu ce mois-ci 2 jours, ou plutôt 2 soirs fâcheux à traverser. 2 soirs, ce n'est pas bien terrible, et nous n'avons encore rien à dire. Mais il paraît que d'autres quartiers sont moins favorisés que le nôtre. Je reçois une lettre à ce propos, écriture féminine, et signée... Attendez, vous allez recevoir un coup. Signé Duchesse de. C'est sans doute une façon de m'indiquer que la lettre vient du faubourg Saint-Germain. Duchesse ou épicière, la personne qui m'écrit se plaint, d'un style si aimable en sa préciosité, que je vous donne l'épître tout entière. Monsieur, mes volets sont clos, mes fenêtres et mes portes sont munies de leurs bourrelets, mes rideaux sont fermés hermétiquement. Autour de moi, des fleurs fraîchement cueillies, tubéreuses, chèvrefeuilles, jacinthes, mêlent leurs parfums violents. De grands vases, pleins d'eau de Cologne, envoient dans l'air leurs émanations. 5 ou 6 pastilles du sérail déroulent leurs spirales odorantes. Je me tiens le nez d'une main. Ah, duchesse, duchesse! Et j'écris de l'autre. Eh bien, cela sent mauvais quand même. Cela sent mauvais malgré tout. Cela sent la vie d'ange cuite. Pourquoi cuite, duchesse? On a fermé l'usine de Nanterre et nous voilà bien contents. Mais nous autres, habitants de la rive gauche, nous abandonnerez-vous à notre malheureux sort? Je parle seulement de ce que je connais. Depuis le point du jour jusqu'à la gare Montparnasse et au-delà, tout le secteur, comme on disait pendant le siège, est régulièrement empoisonné 2 ou 3 fois par semaine. Pauvre faubourg Saint-Germain! Vous connaissez ces images de la 4e page de la vie parisienne. Un jeune élégant, au genou d'une charmante femme, lui dit en la regardant avec extase « Grand Dieu, ma chère Yolande, que vous avez donc la laine fétide! Et la vôtre donc a des mares, croyez-vous qu'elle sente la rose? Usons tous deux de l'élixir dentifrice Z et il n'y paraîtra plus. » Ces dialogues extraordinaires sont devenus la conversation courante du noble faubourg. On échange des propos comme ceci. Le vidame. Pas le semble, madame la marquise, ça pue ferme dans vos salons. La marquise. Mais vous-même, vidame, vous m'engloutissez le cœur. Dans quoi donc avez-vous marché? Le vidame. Moi, j'ai marché dans la rue. C'est l'air frais de la nuit qui restait imprégné à mes vêtements. Une chanoinesse à la marquise. « Est-ce qu'on vit d'Angers en bas, ma toute belle ?» La marquise. « Point du tout, c'est tous les jours comme cela. » Le vidame. « Je ne vois point le marquis, serait-il indisposé ?» La marquise. « Oui, heureusement. » Le vidame. « Comment, heureusement ?» La marquise. « Il a un rhume de cerveau. » La chanoinesse. « Espérons qu'il ne guérira pas de longtemps. » La marquise. « Vous partez, vidame ?» Le vidame. Il n'est si bonne compagnie le sage qu'on ne quitte, etc., etc. Et voilà 3 ans que cela dure. Oui, depuis l'abominable été de 1880, ceux qui n'avaient rien fait pour prévenir le mal n'ont rien trouvé pour y remédier. Je me trompe. Un ministre, je ne sais lequel, a demandé à un savant un rapport sur les mesures à prendre. Et surtout, lui a dit son Excellence, ne regardez pas à l'argent. Proposer ce qu'il y aura de plus efficace quand cela devrait nous coûter les yeux de la tête. Le savant ne se le fit pas dire 2 fois, il imagina un projet grandiose et dépensa en imagination des sommes fabuleuses. Nous avons tous lu, jadis, son intéressant travail. Puis, souffla le vent, il emporta le ministre et le rapport et continua de nous apporter, en revanche, les miasmes nauséabonds. Tout s'est borné à la fermeture de l'usine de Nanterre, comme si les établissements situés au sud de Paris étaient moins infects. Hélas, en deçà de la Seine ou au-delà, la caque sent toujours le hareng. Et tant qu'il y aura de ces établissements-là dans la banlieue, ça puera dans nos chambres. Mais que fait donc, grand Dieu, ton tonnerre là-haut, comme dit Othello? Ou plus simplement, à quoi pense notre conseil municipal élu? Y eut-il jamais affaire plus municipale que celle-ci? S'il faut de l'argent, que ne nous en demande-t-on? Impôts, emprunts, souscriptions publiques, nous sommes prêts à tout. Puisqu'il faudra tôt ou tard en venir là, que ne commençons-nous de suite? Qu'on nous saigne, mais qu'on ne nous asphyxie plus. On nous promet de l'eau en abondance et du gaz à bon marché. L'air respirable est encore plus nécessaire. Avez-vous fait, monsieur, une petite réflexion? Si Paris avait été empesté de la sorte sous l'Empire, quel déchaînement contre monsieur Haussmann et contre le conseil municipal nommé par le gouvernement! Au moins, nous avons une presse libre. De grâce, monsieur, souffrez que nous en usions avec vous, comme le juge qui envoyait son clerc jurer pour lui dans l'antichambre. Criez pour nous, criez et ne vous lassez pas. Égalez les imprécations aux calamités. Percevez de vos plaintes l'air fétide qui nous enveloppe. Et si nos administrateurs, ingénieurs, directeurs des travaux publics n'ont pas de nez, qu'ils s'aperçoivent à leurs dépens qu'ils ont des oreilles. Agréez, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués, duchesse de... Je puis, duchesse, vous rassurer dans une certaine mesure. Le conseil municipal, que vous accusez, s'occupe de la question avec une activité sage. Une députation de conseillers municipaux est allée voir, il y a quelques jours, les expériences de Gennevilliers. C'est là, duchesse, et non ailleurs, qu'est la solution de cette question irritante, comme j'aurai l'honneur de vous la démontrer, si vous voulez bien continuer à lire le XIXe siècle. Car moi aussi, je suis allée à Gennevilliers. Vous y pouvez aller vous-même, il n'y a pas de voyage plus court. Mais les Parisiens aiment mieux crier que de s'instruire.